êtes trop fiers, vous êtes figés depuis des mois. Votre seule nourriture, des mouches qui volaient par là. Au bout d'une dizaine d'années, vous vous fossilisez. Et plus tard, on pourra vous admirer dans un musée. Sous la vitre, on pourra voir cette inscription. Espèce humaine qui veut toujours avoir raison. C'est la fin du CD, ça. Alors si t'en veux plus, va à la plage 14.